yabe akimbi yabe ali topona wangu one ana nyolomba na yoe kakombolo kalambule na disenene unini wase Ici, ça chante. ici ça chante. Ça chauffe. Ça chauffe ici ça chante. Maman pour ça chauffe. Ça chauffe ici ça chante. Ça chauffe. Ça chauffe ici ça chante. Maman pour ça chauffe. Ça chauffe ici ça chante. Ça chauffe. Ça chauffe ici ça chante. Papa Yoki, Adam Bane Sumwe Bomboy. Apula be one day, Madam Bane Sumwe Bomboy. Papa Yoki, Adam Bane Sumwe Bomboy. Apula be one day, Madam Bane Sumwe Bomboy. Papa Yoki, Adam Bane Sumwe Bomboy. Abana Bagaru Chelo Boy. Oh, I see. Ce que tu connais, ce que tu peux, ce que tu